Activité 3. 1. Tu pourrais t'occuper utilement. Tu ne te demanderais pas quoi faire de tes journées. 2. Il ne participerait pas, il se méfierait trop. Il ne courrait pas le risque. 3. Elle préférait partir dans un autre pays, car elle mourait d'ennui ici. 4. Elle prendrait de bonnes habitudes en travaillant pour cette association. Elle vendrait des objets qu'elle rapporterait de leur voyage. 5. S'il avait le financement, il mettrait toute son énergie et créerait son association. Il montrerait l'exemple. 6. Tu monterais une association autour de ce projet ou tu préférerais faire un don à une petite association? 7. Il ne montrait pas d'enthousiasme pour nous accueillir. Il préférait rester seul.